Chapitre 21. Ce soir-là, une fois les enfants rentrés à la pension, Camboyne rejoignit son ami au chalet pour l'heure du dîner. La première chose qu'il aperçut fut le saphir qui brillait à son doigt. Les jours précédents, il l'avait retiré, afin de laisser ses fiançailles ignorées de M. Daubry. À un moment, il crut que l'avocat était lui aussi invité à dîner, et que Rose avait décidé de lui apprendre la grande nouvelle. Comment, lui qui ne remarquait jamais ces détails, avait-il pris garde à celui-ci? Sans doute à cause du ridicule interrogatoire de la jeune fille. Il soupçonna même que, déçue par ses réponses évasives, la petite obstinée s'était adressée à Mme Sellars, qui, mise au pied du mur, avait arboré sa bague. Mais non! Si mal élevée que fût la pauvre enfant, on ne pouvait lui reprocher cette nouvelle indiscrétion, puisque Rose n'avait plus reparu jusqu'au moment de se rembarquer dans les voitures. Elle avait prolongé sa promenade avec l'avocat, et entre parenthèses, elle en était revenue les mains vides, à moins qu'elle n'eût consommé sa récolte sur place. Enfin, les deux femmes n'étaient pas rentrées dans la même voiture. D'où venait donc cette subite réapparition de la bague? Sans doute, pensa Boyne, qu'elle aura décidé d'annoncer ses fiançailles à M. Daubry, qui apparemment était invité à dîner. Cela lui donna de l'humeur. D'avance, il avait été excédé des banalités que l'avocat ne manquerait pas de prononcer à cette occasion. Depuis cet après-midi, où il avait surpris son regard fixé sur la jeune fille, Boyne avait changé d'idée sur M. Daubry. Jusque-là, il n'avait vu en lui qu'un juriste habile, capable dans son métier, médiocre dans tout le reste, menant une existence méticuleusement réglée, une part pour les affaires, l'autre méthodiquement répartie entre un régime scrupuleux, très fort sur les vitamines, M. Daubry, l'exercice, la société, les œuvres et les voyages. Voici que, tout au fond de ce tableau solennel, comme au bout d'une perspective, un autre M. Daubry rôdait en cachette, sournois, les yeux allumés comme tout à l'heure à l'affût des grâces de la jeune fille. Et Boyne s'irritait de connaître le personnage inconnu de Mme Sellars, les cornifleurs qui grimaçaient sous le masque correct de son homme de loi. Ce regard de M. Daubry, Boyne y lisait malgré lui une image tragique de l'avenir qui guettait la jeune fille. « Eh, qu'avez-vous fait de votre ami? Est-ce que nous l'attendons ?» fit Boyne. Sa question un peu brusque fut accueillie par Mme Sellars avec sa bonne grâce ordinaire. « Mais je ne l'attends pas. Il ne vient pas ce soir. » Boyne se sentit soulagé et un peu nigaud. « Si Daubry ne vient pas dîner, » pensa-t-il, « qu'est-ce qu'il en empêche ?»« Il vous lâche pour des connaissances du palace. C'est encore heureux qu'il ne vous ait pas traîné de force à ce dîner. »« Mais non, vous vous trompez. Il n'a pas de dîner en vue. Il avait des lettres à écrire et il m'a dit qu'il préférait se coucher de bonne heure. » Cette fois, il n'y avait rien à dire. Et Boyne suivit sa fiancée dans la salle à manger où, depuis quelque temps, leur tête-à-tête se faisait rare. « Cela ne vous plaît pas mieux ainsi, » dit-elle en lui souriant par-dessus la jatte de rose qui ornait le couvert. En effet, le tête-à-tête était toujours charmant. Rose commença par lui faire un compliment qui le toucha sur la tenue des enfants pendant toute la journée. Et à mesure qu'il écoutait, il se disait que sa nervosité, sa bizarre répugnance à envisager le mariage, ne venait que de la présence des gêneurs. « Quand nous sommes tous les deux seuls, se disait-il, il n'y a jamais de difficulté. » Après le dîner, ils passèrent comme d'habitude sur le balcon, et Boyne, en allumant son cigare, céda à une impression de bien-être. Il sentait que Rose comprenait qu'il était heureux de la retrouver seule à seule, et que ce sentiment la détendait, la poussait à dire et à faire tout ce qu'il fallait pour entretenir son ami dans cet état de béatitude. Il était touché de voir, chez cette femme si fière, un tel désir de se montrer telle qu'il la souhaitait. Judith était tout à fait en beauté aujourd'hui. Monsieur Daubry en était saisi, dit Mme Sellars de son accent le plus suave. Patatras, c'était bien la peine de disposer un parterre de fleurs pour y jeter un tel pavé. Boyne répondit sur un ton d'agacement. Saisi, on peut le dire, cela se voyait. Ce qu'elle est délicieuse par moments, dit Rose en redoublant de suavité. « Elle est gentille, comme tous les enfants. C'est un charmant enfant, je ne cesse de vous le répéter. » J'ai constaté en effet que Dobry la regardait comme un chien qui guette un os. Voulez-vous vous taire? Moi, je ne peux pas souffrir les vieux qui reluquent les petites filles. Si votre ami s'est amouraché de Judith, il n'a qu'à la demander en mariage. Il est riche. Qui sait, peut-être se laisserait-elle tenter. Épouser Judith, monsieur Dobry. Madame Sellers eut un instant de douce gaieté. C'est vrai que, répété par son ami, les paroles de Boyne apparaissaient en pleine absurdité, mais lui, pour l'instant, était incapable de prendre garde à autre chose qu'au désordre du sang qui lui battait dans les artères. « Pourquoi pas ? » poursuivit-il. « Dans sa situation, pauvre petite, l'argent n'est pas à dédaigner. Si elle tient à venir à bout de ses parents et à garder les petits, il lui faut de l'argent, beaucoup d'argent, et un bonhomme d'affaires pour commander la manœuvre. Épouser M. Dobry, mais ce serait la meilleure combinaison. » Madame Sellers réfléchit un moment. « Il n'y a pas de fortune ni d'avocat qui tienne, » dit-elle. « On ne peut pas empêcher les Waters de faire entrer leurs enfants le jour où ils en auront envie. Toutefois, si Judith avait besoin d'un conseil, je suis sûr que personne ne serait plus heureux que M. Dobry de se mettre à sa disposition. »« Je le crois bien, » dit Boyne avec ironie. « Et n'êtes-vous pas d'avis qu'elle ne ferait pas mal de le consulter tout de suite ou de vous envoyer à sa place ?» M'interposer entre elle et lui. Il vous saurait peu de gré de m'avoir donné ce conseil. Je ne vous comprends pas. Alors c'est que vous ne l'avez pas vu regarder cet enfant tout à l'heure avant que vous l'emmeniez se promener avec vous. Elle se tut encore. Un léger réseau de songeries tissa son ombre sur son visage. Et Boyne s'aperçut que quand une femme n'est plus toute jeune, elle n'a de fraîcheur que dans les répits que lui laisse son cœur. Quelle brute je suis! Se dit-il en se reprochant d'avoir détruit l'équilibre délicat de sa sérénité. Mais déjà, elle souriait d'un sourire un peu contraint et douloureux. Il avait donc une manière si extraordinaire de la regarder. Mais oui, je vous l'ai dit. Eh bien, moi, je n'ai rien vu de pareil. Et vous avez bien tort de vous imaginer qu'il pense à cette jeune fille de la manière dont vous croyez. Vous l'avez rêvé. Du moins, je l'espère, car, mon cher, si vous voulez que je vous le dise, « Savez-vous pourquoi il m'a proposé de nous promener nous deux seuls ?»« C'était pour demander ma main. » Elle fit une pause pour juger de l'effet de ces derniers mots prononcés avec douceur. « C'est la vraie raison de son voyage. Il était ici. Pour faire sa demande. » J'étais à mille lieues de m'en douter. Maintenant, le voilà parti. Il prend le train demain matin, » ajouta-t-elle avec un léger soupir, où la satisfaction se mêlait au regret. C'était un petit triomphe. Elle le prenait sans orgueil et même d'une âme généreuse, mais en sachant très bien tout ce qu'il signifiait. Boyne se mit encore à rire. « Je ne vois pas ce que vous trouvez là de si drôle, » murmura Rose un peu vexée. Comme il ne trouvait rien à dire, elle continua de cet air distant qu'elle prenait quand elle répétait des axiomes courants dans sa jeunesse. « En somme, c'est le plus grand honneur qu'un homme puisse faire. » « Absolument. » dit Boyne, cette fois de bonne humeur. Il se frotta le front sans parvenir à éclaircir tout à fait ses idées. Le fait est que sa surprise et sa gaieté de tout à l'heure, son ami n'y était pour rien. Ce qui l'avait fait rire, c'était son imagination et le sentiment de sa folie. « Ce n'était que cela, » murmura-t-il comme malgré lui. Cette phrase lui était à peine échappée qu'il sentit dans l'ombre sa voisine faire un mouvement pour se raidir et s'éloigner de lui. « Rentrons, » dit Madame Sellers. « Il commence à faire frais. » Rose entra dans la chambre où Boyne la suivit. Maintenant, assise près de la table, elle feuilletait le courrier et les journaux du soir. Boyne surveillait le mouvement de ses doigts qui décachetaient les lettres. Mais il ne voyait que le saphir, qui proclamait à qui voulait l'entendre sa propre destinée. « Alors, vous lui avez dit que vous n'étiez pas libre ?»« Simple affaire d'honnêteté, n'est-ce pas votre avis ?»« Et qui sait ? Si vous aviez été libre, peut-être auriez-vous préféré M. Dobry ?» Elle se mit à rire d'un petit rire sans gaieté. « Comment savez-vous ce que j'aurais fait si j'avais eu ma liberté ?» Il continuait à la regarder. « Avez-vous envie d'essayer ?» Elle rougit. La lettre qu'elle lisait lui glissa des mains. Et elle croisa les doigts sur la table avec un petit effort pour s'empêcher de trahir son agitation. « Est-ce que je vous ai fâché en annonçant nos fiançailles à M. Dobry ?» Il hésita, Il sentait que c'était le moment d'agir avec prudence. Fâché, non, ce n'est pas le mot. Seulement, nous étions convenus que, comme rien ne pressait, et que nos projets ne sont pas encore arrêtés, ce serait tellement plus gentil de garder le secret de nos petites affaires. C'était une idée à vous, si vous avez bonne mémoire. C'est vrai, l'idée était de moi. Mais il n'y a pas à craindre que M. Daubry nous trahisse. Il ne s'agit pas que personne nous trahisse. Question de sentiment, voilà tout. Le sentiment de savoir quelqu'un dans notre secret? Mais mon ami, et les petits Water? Oubliez-vous que nous les y avons mis depuis longtemps? Les petits? Mais les petits ne comptent pas. Et puis, ce n'a pas été ma faute. C'est Judith qui a deviné. Mais M. Daubry aussi a peut-être deviné, ajouta-t-il. Rose eut un petit accès de gaieté. Oh non, je vous assure. M. Daubry n'a rien deviné. J'ai eu fort à faire pour le convaincre. Il a fallu mettre les points sur les i. Elle s'arrêta une seconde. Il était convaincu que vous étiez épris de Judith Water. Boyne bondit. C'est insensé, c'est honteux. Comment peut-on avoir une idée pareille? Comment ose-t-on l'insinuer à une autre personne? Cela montre bien. Il s'arrêta, pour reprendre bientôt dans un nouvel accès d'indignation. Oui, cela montre quelle espèce d'homme est votre monsieur Daubry. Avoir cette idée-là au sujet d'un enfant et en soupçonner un honnête homme. Trouver cela possible, naturel? Comme si j'étais homme à abuser de la situation pour tourner la tête à une fillette sur les bancs de l'école. Il se laissa tomber sur un siège. Il se sentait fiévreux, humilié, mécontent et la gorge sèche. Madame Sellers balançait doucement ses mains jointes au-dessus du paquet de lettres décachetées. À son doigt, le saphir jetait par intervalles des éclairs. « Martin, s'écria-t-elle, mais vous voyez bien que vous l'aimez. » Elle se tut et ajouta après un instant de silence. « Il y a longtemps que je m'en doutais. » Ils se regardèrent sans rien dire. Enfin, Boyne se leva et fit un mouvement vers elle. « Tout cela n'a pas le sens commun, ma pauvre amie, » commença-t-il. Elle l'arrêta d'un geste. Il n'eut pas de peine à comprendre ce geste qui le suppliait de se taire. Il se sentait gauche et en faute, et en voulait obscurément à Rose de le lui faire sentir. Ils restèrent l'un en face de l'autre, gênés, craintifs, comme si un objet fragile et précieux qu'ils auraient porté ensemble leur avait échappé des mains et venait de se briser. Ils craignaient de regarder à terre de peur d'y apercevoir les ruines de leur bonheur. Rose fut la première à retrouver ses idées. « Pourquoi nous faire du mal mutuellement ?» dit-elle, en le regardant avec des yeux humides. Et il se reprochait de ne pas la prendre dans ses bras, pour effacer cette querelle absurde par un baiser. Mais il ne pouvait s'y résoudre. Quelque chose d'insurmontable l'en empêchait. « Pardonnez-moi, » dit-elle. « Je suis nerveuse ce soir et j'ai tort d'être stupide. Et puis, ce que m'a dit M. Daubry m'a bouleversée. La demande en mariage? Non, pas cela, mais ce qu'il m'a dit de votre intérêt pour Judith. Vous comprenez bien, cher ami, que votre manière d'agir avec tous ces enfants peut paraître un peu surprenante aux personnes qui ne sont pas au courant. » Boyne redevint dur. De quoi se mêlent les gens qui ne sont pas au courant? Vous l'êtes, vous, et cela me suffit. Mais oui, vous avez raison, de quoi se mêlent-ils? Oubliez ce qui s'est passé ce soir, voulez-vous? Elle jeta les deux bras autour de son cou, et de ses mains jointes, attira doucement la tête de son ami. Leurs lèvres se joignirent. Boyne ferma les yeux et, avec un violent effort de volonté, il essaya de se représenter ce qu'il aurait donné pour un pareil baiser le jour où il avait appris la nouvelle de la mort du mari, là-bas, au fond du Sahara, et où, se réveillant au milieu de la nuit, la lettre encore dans sa main, il s'était écrié « Enfin !»